Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local. C'est très tranquille ce matin dans le monde du sport local et régional. On va quand même parler ce matin de la ronde novice qui s'est mise en branle hier sur les glaces à Delbault-Mistassini. Et là-dedans, les Loups de Delbault-Mistassini ont défait les Sénateurs de Saint-Félicien 2-0. Maintenant, au tournoi Midget d'Allemagne, les Saguenay de Chicoutimi ont gagné sur le national de la Baie 2-0. Le Marcos Pop de Saint-Félicien a défait les Marquis de Jonquière 3-1 et les Aiglons d'Allemagne ont vaincu les Jonquière 4-1. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Stéphane Labeau, où on fait le bilan de la saison ou encore de l'actualité chez le Canadien de Montréal. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.